Facebook censure les voix critiques sur la vaccination. Opinion sans phare. Aujourd'hui avec un éditorial de Robert F. Kennedy Jr. Robert F. Kennedy Jr., président de Children's Health Defense, une organisation qui s'engage pour la santé des enfants, se plaint dans son éditorial du 9 juin 2020 que Facebook suit les directives de l'OMS, laquelle est financée par Gates, et définit ce que sont les fake news sur les vaccins. Écoutez Robert F. Kennedy Jr. à ce propos. Le 22 mai, Facebook a retiré sans aucun commentaire ni explication mon interview avec Polly Tomy, fondatrice de The Autism Fail et The Autism Trust, 10 minutes après qu'elle a été publiée sur IGTV. La vidéo de 45 minutes ne contient aucune imprécision et chaque déclaration s'appuie sur un travail scientifique examiné par des pairs. Mark Zuckerberg affirme que Facebook se base sur l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour décider quel message prône des fake news sur les vaccins. C'est désormais une formule rhétorique pour toutes les publications qui s'écartent des déclarations officielles de l'OMS. Ces dernières étant la plupart du temps une juxtaposition d'inexactitudes et de contre-vérités. L'OMS est l'instrument de Bill Gates. Monsieur Gates est le plus grand donateur de l'OMS et le plus grand fabricant de vaccins au monde. L'annonce faite par l'OMS en 2019, selon laquelle le refus de la vaccination est l'une des plus grandes menaces mondiales pour la santé publique, contient en soi une quantité phénoménale de fake news sur les vaccins. Cette déclaration de l'OMS met l'accent sur le contrôle dictatorial de Gates, qui fait de l'OMS une marionnette pour ses obsessions personnelles et sa planification financière privée. Bill Gates finance également la fonction de vérification des faits de Facebook, ce qui lui confère le pouvoir de censurer et de contrôler le flux mondial d'informations. Où sont tous mes amis les défenseurs libéraux de la liberté d'expression? Combien de temps resteront-ils silencieux?